Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire du petit commerce. Hier, notre invité Jacques Grindorge nous a expliqué comment la gauche, arrivée au pouvoir en 1981, avait tenté de faire mentir l'adage selon lequel la boutique, comme on disait alors, était contre la gauche. Demain, nous nous intéresserons justement à la façon dont Gérard Nicou avait créé, à la toute fin des années 60 et au tout début des années 70, il y a 40 ans, un mouvement syndical anti-fiscal et anti-étatique rassemblant bien des petits commerçants. Jeudi, nous tenterons de comprendre la place que prirent les petits commerçants étrangers à l'occasion de la sortie en librairie du livre de Claire Zalk, Melting Shops chez Perrin, donc les petits commerçants étrangers dans notre paysage et en particulier dans celui du 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, jour de documentaire dans la Fabrique de l'Histoire, jusqu'à 10h, nous vous proposons un documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury sur un métier qui est né et qui est mort avec le siècle, le 20e siècle, je veux dire. Ce métier est celui de disquaire, car si les librairies ont fleuri depuis la loi Lang au début des années 80, ce n'est pas le cas, loin de là, des magasins de disques. Ils disparaissent peu à peu dans notre paysage urbain, alors qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la popularisation des musiques savantes et populaires pendant tout le long de ce siècle. C'est ce que racontera ce matin ce documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury avec les témoignages de Jacques Gros, de Daniel Richard, de Patrick Matté, d'André Tubeuf, de Xavier Menanteau et de Philippe Gimplowitz. Entre-t-on dans un café, bien souvent, c'est encore par un disque qu'on y est accueilli. Peut-être vous souvenez-vous qu'au début de cette série d'émissions, lorsque nous évoquions le départ de la vulgarisation du phonographe en France, nous vous avons raconté l'histoire des frères Pathé, qui avaient à l'époque un magasin de charbon et vin, enfin ce qu'on appelle la magasin de Bougnat, et qui, à l'arrivée du premier phonographe d'Edison en France, ont eu l'idée d'installer ce phonographe dans leur petit magasin pour attirer les clients. Eh bien, au fond, on s'aperçoit qu'après les développements considérables qu'a connus l'industrie phonographique, les choses ont à peine changé. Maintenant, il y a dans les cafés, de nouveau, des appareils qui permettent aux clients d'entendre des disques. Évidemment, l'appareil a sérieusement changé depuis l'époque des frères Pathé. Maintenant, c'est un appareil mastodonte, extrêmement brillant, avec toutes sortes de lumières, et un changeur de disque automatique. Alors, on engage 3 francs, je crois. 3 francs, il y a ici le directeur du café qui est en train de m'expliquer le détail du maniement de cet appareil. On engage 3 francs dans une fente. On appuie sur un bouton chiffré correspondant à l'indication d'un disque et automatiquement, on a le disque qu'on voulait entendre. Le disque revient. On peut les mettre les 24 à la fois. Les 24 Les 24 peuvent venir à la fois, c'est-à-dire l'un après l'autre. L'un après l'autre, c'est ça. Et on peut mettre les 3 francs ainsi de suite. Et monsieur, est-ce que vos clients, avez-vous remarqué si vos clients étaient très intéressés par cet appareil? Parfois, assez. Même au point de me casser la tête, car ils n'arrêtent pas de la journée. Ça n'arrête pas. En moyenne, est-ce que vous sauriez nous dire combien il y en a par jour qui viennent écouter les disques? Peut-être 200 ou 300, peut-être. 200 ou 300? Ah oui. Eh bien, je crois que les sociétés qui ont inventé cet appareil n'ont pas perdu leur temps le jour où elles sont en fait. Je crois. À l'origine, c'est une denrée rare et précieuse. On écoute les disques bien plus qu'on ne les achète. Le développement de la discophilie dans les années 30 voit apparaître de petites boutiques spécialisées et érudites à Paris, où il faut montrer patte blanche pour que le tenancier partage ses trésors. En province, les disques trouvent leur place dans les vitrines des magasins d'électroménager entre grille-pains et aspirateurs. Voici d'ailleurs un autre client qui s'approche, qui met un disque, première pièce d'un franc, deuxième pièce de 1 franc, troisième pièce de 1 franc. Le client, qui est un jeune homme portant une chemise à col d'anton, appuie maintenant sur le numéro 13, je ne sais pas si c'est parce qu'il est superstitieux. Le numéro 13, c'est la brésilienne Rumba de Lucchesi. La voici, vous l'entendez. Monsieur, vous êtes un voisin, je crois, de ce café. Nous nous trouvons Place des Ternes, à Paris. En sortant de votre travail, vous aimez passer à ce café et entendre les disques. Je viens boire une nuit, puis en lisant le journal, j'écoute un disque aussi également. Mais est-ce que c'est que vous êtes par ailleurs sevré de musique? Chez vous, vous n'avez ni radio, ni phono? Si. Enfin, j'aime bien écouter un disque de mon choix ici, parce que si on peut choisir. Oui, tandis que chez vous, vous ne pouvez peut-être pas choisir, en sens que vous ne pouvez pas continuellement alimenter votre discothèque. Oui. Les disques sont encore très chers. Eh bien, monsieur, je ne veux pas gâter votre plaisir. Écoutez tranquillement votre disque et nous allons également le faire entendre aux auditeurs. Métier branché et passionné, de New Rose au Megastore en passant par Gibert, être disquaire, c'est avant tout une vocation. Le déploiement d'une relation intime à la musique et à cet objet qui la contient. Selon certains esprits chagrins, le disquaire est né et mort au siècle dernier. Entre commerce et érudition, chronique d'une mort annoncée ou d'une renaissance avérée, les disquaires au temps des bacs. Philippe Gimplovitch est musicologue et spécialiste de l'histoire du jazz. Les premiers disques de jazz, de ce que les amateurs des années 30 appelleront du vrai jazz, du jazz noir américain, arrivent en France à partir de 1926. On peut les écouter dans des magasins près des grands boulevards, notamment boulevard des Capucines. Et là, on a, de manière presque charnelle, même si c'est différé, une idée de cette musique qui s'appelle jazz, mais dont on ne sait pas encore trop ce que c'est. Et donc, ces disques deviennent presque des objets de culte. En tout cas, les témoignages que l'on a, je pense par exemple à Grappelli, Stéphane Grappelli, il se promène sur les grands boulevards, il arrive dans cette boutique, il écoute ça, et pour lui c'est une révélation. Ces disques qui viennent de loin et qui font entendre une musique dont on n'a que très peu idée à l'époque. Il y a évidemment des orchestres qui sont présents en France, mais ce n'est pas les grands musiciens de jazz qui sont là. Donc à cette époque-là, on les écoute dans ces boutiques, mais on ne les achète pas encore. Non, alors le disque existe effectivement depuis le début du siècle, mais la discophilie, l'amour du disque, ça commence vraiment au tournant des années 30. Hein. C'est encore un objet de luxe, c'est un objet qui est encore collectionné. Moi, je devais avoir quelque chose comme pécule quand j'étais à l'école normale, 4000 francs. Qui à l'époque étaient tout à fait anciens, ils étaient complètement francs, 4000 francs par mois. Et pour vous donner un exemple, les maîtres chanteurs qui ont paru en fin 51 et 52, mais les maîtres chanteurs étaient de 6 disques micro-sillon à l'époque, et un micro-sillon à l'époque coûtait, vous vous tenez bien, 3500 francs. C'est-à-dire que les maîtres chanteurs coûtaient 21 000 francs. Et moi, j'avais un pécule mensuel de 4 000 francs. Alors, bien entendu, je pouvais donner des leçons de latin, mais je ne pouvais pas passer mon temps. Je suis resté bavé devant la vitrine de Plois où il y avait ces maîtres chanteurs, en me disant, bon, je vais en écouter des bouts peut-être, mais il n'est pas question que je l'achète. Je veux dire, le disque était extraordinairement cher, bien sûr. Les 78 tours, je me rappelle, valaient entre 600, les petits, parce qu'ils avaient 25 cm de diamètre, et les plus grands, 30 cm, 800 ou 850 francs. Enfin, c'est l'ordre de grandeur, si vous voulez. Mais pour un étudiant, c'était simplement inaccessible. Dix ans de machines parlantes. André Dubeuf, à quel moment vous poussez pour la première fois la porte d'un disquaire ? La porte d'un disquaire, ça doit être en 1949. J'avais 18-19 ans, j'étais pensionnaire en Cargne au lycée Louis-le-Grand. Il y avait très peu de disques. Les disques qui se trouvaient encore étaient des disques 78 tours. C'est le micro-sillon a commencé à pointer en France qu'en 49, 50, ayant à vaincre beaucoup de résistance, parce que bien entendu les gens qui sont équipés d'une certaine manière répugnent toujours à s'équiper d'une façon différente. Bon, mais enfin, ma curiosité, mon appétit de musique était très grand, et à l'époque ça ne pouvait guère se satisfaire que par le moyen du disque, étant donné que les émissions musicales, par exemple la radio, étaient extrêmement rares à l'époque. Il y avait juste celle de Jean Vitold à la radio française, et puis de temps en temps, voilà, un concert qui était retransmis. Mais il y avait la ressource, par exemple, le jeudi après-midi, lorsqu'on était libre de quitter le lycée, parce qu'à l'époque, les internats étaient vraiment des internats et on n'en sortait pas comme on veut. Il y avait quelques disquaires à proximité, à relative proximité. Il y avait l'admirable Ploie, qui était rue Saint-Placide. Il y avait la boîte à musique qui était tenue par M. Lévy Alvarez et qui était au coin du boulevard Raspail, je crois, de la rue Sainte-Beuve. Là, on pouvait passer 2 heures à écouter des disques qu'on n'achèterait pas. Si on avait l'air, voilà, d'un étudiant sans argent, mais réellement plein de curiosité, d'enthousiasme. Et tous ces disquaires, qui étaient vraiment des disquaires professionnels et passionnés, aimer recevoir en vérité la visite de jeunes gens fauchés avec qui ils ne feraient pas leur beurre, mais qu'ils pouvaient conseiller, éclairer, en disant non, écoutez plutôt ceci, et attendez la semaine prochaine, si vous revenez, j'attends d'Angleterre ceci qui va arriver. Et bien entendu, on n'achetait rien du tout. Jean-Louis Lévy Alvarez, anecdote d'avant-guerre dans la boîte à musique. C'était donc à la boîte un soir et je vois descendre un monsieur d'un certain âge, et en le voyant, je me dis, tiens, je connais ce visage. Il s'approche de moi, il me demande, monsieur, je voudrais un disque de la musique que je viens d'entendre. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Je ne peux pas vous dire. Comment, vous ne pouvez pas me dire le nom du compositeur ? Non, je ne sais pas, parce que j'ai à peine entendu l'annonce, et vous savez, je suis un artiste, je travaille dans mon atelier, alors il y a des moments où je fais plus ou moins attention à ce que j'entends, et là, c'était tellement extraordinaire que j'ai été absolument saisi, je veux ce disque. Mais peut-être vous pouvez me dire si c'est de l'orchestre ? Ah non, non, non, monsieur, ce n'est pas de l'orchestre. Je crois que c'est un instrument seul. Alors, je réfléchis. Piano ? Non, non, pas du piano. Violon ? Ah, vous savez, violon, je ne connais pas les instruments. Mais vous n'avez pas entendu du tout l'annonce. J'ai entendu après quelque chose, peut-être. Ça m'a rappelé un peu, peut-être, la Joconde. Je dis la Joconde. Il y a bien un opéra italien, Di Gioconda, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de voix, pas d'orchestre, ne doit pas être ça. Et tout d'un coup, j'ai une idée. Je vais vers les casiers à disques et je prends 2 disques. Je mets la première face, c'était des disques 78 tours, il faut le rappeler, donc 3 minutes à 4 minutes et demie par face. Je mets la première face de cette œuvre en 4 faces. Il est absolument saisi dès les premières mesures et il me dit « C'est ça, monsieur, c'est ça ». Et il se tait, plus un mot, pendant les 3 minutes et demie ou 4 minutes de la première face. Arrivé au bout, je lui dis « Est-ce que nous continuons ?»« Oui, oui, monsieur, oui ». Et il a entendu toute l'œuvre. Il s'agissait de la sonate à chaconne de Bach pour violon seul, qui venait de sortir d'ailleurs quelques jours auparavant par Yehudi Menuhin. Il me demande, quand l'œuvre est finie, « Mais monsieur, de qui est-ce cette musique ?» Je dis « de Jean-Sébastien Bach. »« Ah ah. Et il vit encore ?» J'étais stupéfait. Je dis « Non, monsieur, il est mort depuis un certain nombre de siècles déjà. Ah ah. Et il a composé aussi beaucoup d'autres choses ?» Oui, beaucoup, monsieur. Oh, je reviendrai, alors, je reviendrai. Je dis, vous prenez les disques ? Il dit, oui, oui, je prends les disques. Je sors, de la cabine avec ce client. Je monte l'escalier et je rejoins mon père qui était derrière son bureau. Et je fais signe à mon père de prendre le nom de ce client. Mon père demande, monsieur, est-ce que vous êtes désireux que nous vous envoyions la liste des nouveautés choisies par nous. Vous savez, je n'achète pas souvent des disques, mais vous pouvez. Mais à qui ai-je l'honneur ? Soutine. C'est tout. Jean-Louis Lévy Alvarez, qui importait des disques de jazz que l'on pouvait écouter et peut-être en 34-35 acheter déjà. Et c'est à côté de ce disquaire, mais c'est à partir de cette maison de disques, que Charles Delaunay, donc un des fondateurs de Jazzot et le discographe, et puis plus tard le fondateur des disques Vogue, etc., raconte cette histoire absolument magnifique. Il a entendu parler de cette musique, enfin il en a entendu quelques extraits. Et là, le vendeur lui montre qu'il y a beaucoup de disques de jazz. Alors il est déjà absolument, il est interloqué, fasciné, il est très content, et lui dit, vous savez quoi, dans quelques temps, il y a une réunion dans un sous-sol, des amateurs de jazz. Et je lis là maintenant, c'est Charles Delaunay qui parle. Imaginez ma voix, j'avais enfin trouvé un ami, mieux, toute une famille avec lesquelles je pouvais partager mon enthousiasme pour la musique. Un nouvel univers s'ouvrait à moi. Le 29 mars 1933, je me présentais au 133 boulevard Raspail, près du métro Notre-Dame-des-Champs. Après avoir acquitté les 5 francs d'entrée, je descendis les marches qui conduisaient au sanctuaire. Là, à travers un épais nuage de fumée, je distinguais à peine, pressés comme des cornichons dans un bocal, les bienheureux élus de cette secte mystérieuse. Paris, Gibert Musique, 34 boulevard Saint-Michel. C'est assez traditionnel finalement. Il y a des espèces de parasols à l'ancienne. Et puis il y a le détail sur chacune des parasols qui est au-dessus des fenêtres qui se trouvent au-dessus de l'aventure. Avec les disques, le neuf, l'occasion, la vidéo, la salle, les ventes. Donc finalement, on n'est pas en face d'une grande surface. Au sens d'un, comme pourrait l'être par exemple une Fnac ou un Megastore qui travaille avec des méthodes de merchandising, de vitrine. Tandis que là, finalement, dans la vitrine, on voit pratiquement rien. Et on est un peu devant un magasin des années 60, finalement. Xavier Menanteau. Je suis disquaire depuis 20 ans. J'ai commencé au Virgin Megastore un an lorsque j'étais étudiant. Ensuite, j'ai fait des piges dans la boutique Neurose. J'ai enchaîné sur Musicway, qui était une chaîne de magasins indépendants qui dépendait du BHV, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et enfin, j'ai commencé donc il y a 16 ans chez Gibert. Moi, je suis de 68. J'ai commencé réellement à écouter de la musique fin 70, je dirais 78. Le disque charnière, c'est tout simplement le premier album des Stray Cats. Et donc très rapidement, j'enchaîne, en lisant les liner notes, sur les influences de ce groupe. Eddie Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly, Presley. Et le fait de venir à Paris, 14, 15 ans, là, effectivement, il y a le deuxième stade qui est franchi. On m'emmène à la Fnac des Halles, qui était, en tout cas, est devenu très rapidement le lieu où découvrir. Il y avait énormément d'imports. Donc, je prenais une sélection de maxi 45 tours ou de 33 tours et j'allais au point écoute. J'avais 20 minutes, une personne qui mettait les disques sur la platine et... Je prenais, je ne prenais pas. Voilà, l'écoute, c'était génial. Et c'était des séances de 20 minutes maximum. Alors après, ça dépendait du nombre de personnes. Mais grosso modo, c'était quand même quantifié, de telle sorte qu'aux heures d'affluence, tout le monde avait sa chance de pouvoir découvrir ces 33 tours. Dans le quartier des Halles, vous aviez d'autres magasins. Donc il y avait Parallèle, Gilda. Et ensuite, vous étiez sur les quais, vous alliez dans le quartier latin. Hein, donc New Rose, Gibert. Et puis, côté, il y a Crocodisque. Allons-y. Voilà. Et puis j'arrivais donc à Jussieu. Et puis de Jussieu, je rentrais à la maison. À l'époque, j'habitais Bastille. C'est bien ça. Voilà. Okay. C'est parfait. Hein. 15 ans plus tôt, Philippe Gimplovitch et sa discophilie florissante. Il y avait des disquaires de quartier. Voilà, pour moi, il y avait au moins deux disquaires de quartier dans mon quartier, le 11e arrondissement, où j'allais comme jeune amateur repérer. Il y avait 45 tours de jazz. Enfin, bon, c'était déjà, je sentais la magie de cette. Que ces disques n'étaient pas comme les autres. Ces musiciens noirs en sueur sur la couverture. Je me souviens précisément des Roll Garner jouant, etc. Donc il y avait les disquaires de quartier. Et puis, plus important, beaucoup plus important naturellement, il y avait les magasins des Champs-Élysées, notamment le Lido Musique. Le Lido Musique, où là, il était possible, on pouvait écouter des 33 tours, évidemment. Enfin, moi, je me souviens d'être allé souvent, tout de même assez souvent, avec des copains du lycée Voltaire. Donc on traversait Paris à 3 ou 4 et on se plantait là toute une après-midi. On n'achetait rien, bien sûr, mais on écoutait. Hein, on écoutait. Mais je crois que pour tous les amateurs de jazz, la chose écrite, le magazine, a été essentiel. Donc le disquaire n'avait pas cette... je ne sais pas. Enfin, pour moi, le disquaire s'effaçait derrière le journaliste de jazz. Je ne me souviens pas des vendeurs. On avait plutôt peur d'être dérangé par eux. Pour qu'est-ce que vous foutez là encore? Vous êtes là depuis 3 heures. Daniel Richard, vous avez été disquaire vous-même. Selon vous, est-ce que c'est un métier? Non, je pense pas, non. Je pense que ce n'est pas un métier, non. Parce que ça ne s'apprend pas, il n'y a pas de méthode. D'ailleurs, sur la feuille de paie, ça n'a jamais été marqué disquaire. Hein. C'est employé. Employé ? Mmh. Employé d'un magasin. Mmh. Et vous étiez disquaire à quel endroit ? Alors, Lido Musique, sur les Champs-Élysées, entre 71 et 81, qui était un magasin de luxe, qui était un magasin qui avait beaucoup de moyens. Donc on a pu très tôt développer l'importation, qui était vraiment le cœur de notre métier, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui était proposé sur le marché français, ce qui permettait donc d'avoir une offre tout à fait singulière. En fait, j'étais venu à Paris pour être au plus proche de la musique et des musiciens, sans beaucoup d'ambition, si ce n'est de passer ses nuits dans les clubs et à écouter les musiciens de jazz. C'était vraiment pas d'autre ambition que celle-ci. Et puis, concours de circonstances m'a fait un jour travailler au Lido Musique. Notre ami Bernard Lupias, puis on parlait de gens connus dans le métier, qui font autorité. Donc Bernard travaillait au Lido Musique sur les Champs-Élysées, et un jour donc il trouve un emploi dans un journal. Il doit quitter Lido Musique du jour au lendemain, et pour ne pas laisser le magasin démuni, donc il a fait appel à moi. Alors moi je n'osais pas, hein. C'était les Champs-Élysées, c'était un endroit peu fréquentable donc à l'époque pour quelqu'un comme moi. On était à cette époque, c'était le quartier latin, là où étaient les clubs, les disquaires, les libraires, et c'était... généralement, on ne bougeait pas beaucoup du quartier. Alors, travailler sur les Champs-Élysées, c'était très impressionnant. J'avais beaucoup de réserves, mais bon, Bernard m'a convaincu, hein, et j'ai commencé donc par hasard à faire ce métier en 71. Voilà. Nous voici dans un de ces débits de musique enregistrée. C'est un magasin qui se présente au fond sous la forme d'un assez long couloir. Les deux murs parallèles sont tapissés chacun par une série d'appareils d'écoute. Et chaque appareil comporte d'une part deux écouteurs, des écouteurs purement acoustiques d'ailleurs, comme ceux je crois qui étaient employés jadis par les appareils d'Edison à l'exposition universelle de 89. 70 ans de machines parlantes, de caoutchouc, 1947, Jean Thévenot. Qu'on se met dans les oreilles. Et alors, devant l'auditeur, il y a en plus le texte de la chanson. Alors on voit d'une part des isolés qui écoutent tristement, semble-t-il, des chansons qui doivent être elles-mêmes tristes. Et puis on voit aussi des amoureux qui sont là deux par deux. Et chacun a un écouteur, ils écoutent ensemble la même chanson. Peut-être y a-t-il aussi des gens tout simplement qui veulent faire des économies et qui se mettent tous les deux devant le même appareil. C'est très possible. Je vais demander au directeur s'il veut bien nous donner quelques indications sur cette clientèle qui vient ici écouter des disques et en même temps, je crois, apprendre des chansons, puisque vous avez placé devant l'appareil le texte des chansons, les paroles et la musique. C'est que je suppose les gens désirent beaucoup apprendre des chansons tout en les écoutant. Oui, je crois, à mon avis, c'est surtout... C'est évidemment l'amour de la belle chanson qui l'attire, mais c'est surtout pour pouvoir à son tour l'étudier et la chanter pour la noce du cousin Paul ou du cousin Jules. Alors dans ce cas, les mêmes doivent revenir plusieurs fois devant le même appareil. Oh, exactement, nous avons vu une personne une fois qui, 20 fois consécutive, a écouté La mère de Trenet ou Les trois cloches de Piaf. Ce sont les plus gros succès actuels. Alors oui. Il est évident que pour bien posséder, comme malheureusement ces gens ne sont pas musiciens, ils sont obligés, grâce au disque toujours, d'apprendre d'une façon convenable, au point de vue musical, la chanson qui fera plaisir à toute la petite famille réunie. Et est-ce que certains reviennent tous les jours pour écouter le même disque, ce qui est encore autre chose que d'écouter plusieurs fois de suite le même? Oui, plusieurs fois, nous avons pu constater un monsieur qui venait tous les matins à une heure fixe, à une heure donnée, entendre ce Good Save the King. Oui. Je m'excuse de mon anglais qui est défectueux. Enfin, tout le monde a compris. Oui, je l'espère. Et qu'il l'entendait deux ou trois fois le matin. Un autre monsieur, entre autres, qui entendait et qui commençait toujours par les moines de Saint-Bernardin, qui continuait par la vigne au vin. Et ça se terminait par des ports doublés. Lui avait un programme. Un programme, établi, oui. Et toujours le même, tous les matins. Toujours le même, il avait son petit programme. Est-ce que ça évoquait des souvenirs? Ça lui rappelait, c'était un monsieur, autant je m'en souviens qu'il pouvait avoir 45 ans, un jeune homme, puis-je dire. Et nous pourrions, ce serait une statistique à établir, nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, dire par exemple, on a demandé 3000 fois le premier mouvement de la sixième de Beethoven, ou deux, trois fois tel autre morceau. Et ça, c'est précieux, justement, ce qui pourrait servir d'indication pour les fabricants de disques. Patrick Maté. Quand j'ai démarré dans le disque, c'était en 72, il y avait à peu près 2000 disquaires en France. Mais des vrais disquaires, il y en avait partout en province. Moi, je me souviens, je faisais des tournées en tant que commercial. Dans des villes de province comme Reims, par exemple, ou Le Havre, il y avait 8 ou 10 disquaires, alors que maintenant, il n'y en a plus. Et tout le monde vivait bien. Chaque magasin avait sa spécificité. Il y en a qui faisaient du classique, il y en a qui faisaient plutôt du jazz. Bon, il y avait des généralistes. Le magasin de disques, c'était un but de promenade le samedi après-midi. On allait y passer un quart d'heure, une demi-heure, écouter des disques, discuter avec les gens. Ils savaient faire découvrir plein de choses à leurs clients, et c'était génial. La meilleure façon de faire démarrer un disque à l'époque, c'était avant tout par les disquaires. Quand les disquaires adoptaient un artiste, immédiatement ça se sentait sur les ventes, mais au niveau national. Quand ils prenaient un risque, ils savaient déjà... qui ça allait intéresser dans leur clientèle. Alors que maintenant, bon, on met le disque dans un rayon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on le retourne à l'éditeur. Et c'était un beau métier, disquaire, à l'époque. Et c'était quelqu'un dans une petite ville de province. C'était presque un notable, enfin, c'était presque une star. Et ils avaient, d'ailleurs, souvent, ils avaient un train de vie enviable. Jacques Gros, disquaire à la librairie Parallèle. Le disque, moi, je l'ai fait de A à Z, dans le sens où j'ai produit, enregistré, édité et vendu. Et ensuite, sur Paris, c'était assez difficile de s'installer, parce qu'il y avait déjà un réseau disquaire très important, très chevronné. Et donc, j'ai choisi plutôt la province. Donc, je suis allé un peu dans le centre de la France. Et puis, là, une charmante petite ville comme Nevers m'a accueilli. Et j'ai fait mon trou là-bas, quoi. Entre 75, dirons-nous, et puis fin 90. C'était beaucoup plus facile dans le sens où les loyers étaient beaucoup moins chers, l'implantation revenait beaucoup moins cher que maintenant, et ainsi de suite. Et en principe, quand on s'installait, on savait qu'il y avait une demande toi-même qui existait. On ne le faisait pas comme ça pour le plaisir non plus, parce que il n'y a pas de plaisir à perdre de l'argent, sur un truc comme ça. Mais on pouvait le faire, alors qu'à Paris, déjà, les places étaient chères et la concurrence était dure. Il y avait une attente. Oui, oui. Une chose aussi, c'est qu'on servait de relais pour les groupes locaux. À côté du magasin, j'avais aussi une association, on organisait des concerts. Et donc souvent, on recrutait les groupes locaux pour faire les premières parties, des artistes qu'on faisait passer, des gens qui venaient de l'extérieur. Où on les mettait en relation éventuellement avec des producteurs qu'on pouvait connaître à travers les maisons de disques. On servait aussi de relais des fois aux maisons de disques pour trouver des artistes. Comme les Tambours du Bronx à Nevers, qui ont vraiment démarré. Moi, je les ai vus démarrer. Puis des fois, coup de bol, ça marche. Donc vous aviez vraiment un rôle de médiateur, dans les deux sens. Oui, oui, parce que, par un moment donné, avec M. Bérégovoire, il avait créé le Conseil culturel de la ville de Nevers, où toutes les associations musicales, enfin, tous ceux qui avaient un rôle culturel dans la ville de Nevers, étaient représentés par des gens qui étaient élus. Et moi, à l'époque, je représentais tout le phénomène musical, aussi bien rock que jazz, que même le cinéma indépendant et compagnie. Et donc, on arrivait à dialoguer avec cet homme-là, qui était à la fois Premier ministre et maire, et on pouvait dire notre point de vue, transmettre les demandes des gens qui voulaient un studio d'enregistrement, qui voulaient une petite salle de répétition. Et ça fonctionnait comme ça. Là, on se trouve dans la librairie parallèle. Est-ce que vous la fréquentiez pour les disques, Jaco? Oui. Tout à fait. Alors oui, c'était quand on a connu ça, c'était une révolution à l'époque, parce que c'était une des premières librairies à avoir, à part les puces qui étaient Porte de Clignancourt ou Porte de Montreuil, c'était un magasin qui était centré dans Paris et qui faisait des prix d'occasion, mais qui était vraiment plus qu'abordable. Donc on se battait, hein. Même fallait se battre contre certains responsables d'autres magasins qui venaient se servir pour se faire du stock. Ah oui, il fallait un petit peu jouer des coudes. Mais c'était assez drôle parce que bon, ça amenait du monde. Et puis, et ce qui était drôle, c'est que l'entrée du magasin, à un mètre pratiquement, vous aviez la palissade du trou des Halles. Parce qu'à l'époque, le forum était en construction. Retour dans les années 60 avec André Tubeuf. Ma véritable carrière de discophile n'a commencé que plus tard, lorsque je me suis trouvé à Strasbourg. Parce que, bon, à Strasbourg, bon, j'étais professeur, j'avais fait mon service militaire, etc., etc. J'avais quelques années de plus, quelques sous de plus, malgré tout, heureusement. Et il y avait beaucoup de disquaires qui étaient concurrents entre eux, et il y en avait un que j'ai choisi, simplement parce que... Je suis le premier, je m'attendais à pouvoir poser des questions comme j'en posais autrefois chez Plouet, chez Lévy Alvarez. Et on me disait, monsieur, voilà, excusez-nous, nous avons autre chose à faire. Voilà. Et je suis allé chez le concurrent qui, au contraire, enfin, comme Plouet autrefois, vêtu d'ailleurs du même genre de blouse blanche que pouvaient avoir à l'époque des pharmaciens, est venu et dit, mais comment donc, monsieur le professeur, mais comment donc, mais comment, ah, mais Wagner, mais nous avons ça, à Verdi aussi, nous avons... Et il retournait absolument tout son magasin, parce que j'avais cité un nom d'interprète qu'il ne connaissait d'ailleurs pas lui-même, mais simplement parce qu'il voyait ma curiosité, ben voilà, il a voulu m'obliger. Et il m'a si bien obligé qu'effectivement, je suis devenu très bon client chez lui. C'est-à-dire, je lui achetais, je lui commandais toutes sortes de choses. Il me tenait au courant de tout ce qui allait venir d'Allemagne. Donc, à l'avance, je savais, il faut se préparer à mettre un peu d'argent de côté parce qu'il va y avoir ça et ça et ça qui va être indispensable, etc. Et je dois dire que, mieux encore que cela, au bout d'un certain temps, il a fini par me donner les disques pour que je les écoute à la maison et lui dise ce que je devais en dire à ses clients. Daniel Richard. Moi, quand j'ai commencé ce métier, donc aux années 70, mon ambition était d'avoir tous les disques de jazz du monde entier. Au même moment, et de manière permanente dans le magasin. Ce qui a été possible à un moment. J'apportais donc des disques, outre des États-Unis, comme je veux dire tout le monde, enfin tous les gens qui pratiquaient donc l'import apportaient donc des États-Unis, mais j'apportais donc des disques de jazz d'Australie, d'Afrique du Sud et du Japon, bien entendu. Lido Musique était le premier magasin à apporter des disques du Japon en 1973, et on pouvait donc avoir toute la production donc de jazz de tout type, classique, avant-garde, réédition. La plupart des 1078 tours n'étaient pas réédités en micro-sillon. Il a fallu attendre le début des années 70 pour, de manière raisonnée, cette musique soit publiée en micro-sillon. On a pris, là, au début des années 70, en pleine figure, donc toute l'histoire de la musique de jazz, rééditée de manière... généralement intelligente, parce qu'elle était faite par des amateurs qui possédaient ces 78 tours et qui avaient donc à cœur de reproduire en micro-sillon ces 78 tours pour en faire bénéficier, pour faire partager au plus grand nombre. Et j'ai vu arriver vers moi donc tous ces vétérans de la collection qui cherchaient toujours ces enregistrements qu'on ne trouvait pas, qui attendaient que les majeures compagnies fassent leur travail. 1977. Vous avez combien de disques ? Jean-Christophe Averti. Approximativement, il doit y avoir comme 10 000 33 tours. Ça, c'est la ville collection, parce que c'est des choses qu'on peut trouver facilement. Il y a une trentaine de 1078 tours. Et des 45 tours, on n'en a plus compté. Mais alors, c'est uniquement des disques de jazz ? Oui. Oui, j'ai une variété française, bien sûr, tous les services de presse, je n'ai jamais rien acheté. Autrement dit, j'ai tous les Johnny Hallyday depuis le numéro 0, tous les Clos-Clos, tout, même ce qui ne m'intéresse pas. Tout, par exemple, Mireille Mathieu, j'ai tous ses disques. Je ne les écoute jamais, Sheila aussi. Mais on ne sait jamais, ça peut servir. Donc, il faut tout garder, car tout peut non seulement avoir une valeur, mais ce n'est pas l'esprit de lucre qui me pousse, c'est de préserver la chose humaine. Et c'était quoi le quotidien d'un disquaire au Lido où vous travaillez, Daniel Richard ? Eh bien, c'était la levée du rideau. C'est toujours un grand moment, hein, les premiers clients dans le magasin. Alors, évidemment, il y avait quelques manipulations. Hein, il fallait faire le réassort, comme on dit, donc... faire en sorte que les disques que vous avez envie de mettre en avant soient bien en avant... faire les commandes, évidemment, recevoir les clients. Alors, les commandes, c'était un travail qui était fait sur chaque catalogue pour vous donner une idée donc, de ce que c'était. Donc, à l'époque, infiniment moins contraignant donc, qu'aujourd'hui, parce que donc un nombre beaucoup plus réduit. On faisait le pointage des catalogues une fois par semaine, totalement français, et une fois donc par mois la totalité des catalogues étrangers. C'était évidemment, donc aujourd'hui, il serait tout à fait impossible de le faire, et serait surtout impossible d'avoir tout en magasin. Or, à l'époque, il était donc tout à fait possible d'avoir toute la production donc en magasin, très peu d'exemplaires, voire une majorité d'ailleurs d'exemplaires uniques, pas de code-barre, des choses comme ça. Donc les disques qui partaient, ma foi, donc il fallait refaire donc le pointage sur les catalogues. Mais c'est une bonne façon d'apprendre à chercher dans les catalogues. Moi, j'avais à cœur de devancer les demandes de mes clients et de les surprendre aussi, connaissant leur goût, connaissant leur passion pour des musiciens, pour des labels, pour type de musique. Je pense que le travail du disquaire, c'est d'écouter ce que demandent les gens. Parce que je pense que le pire, c'est de dire « ça ne me plaît pas, donc ce n'est pas dans mon magasin ». C'est un travail d'échange, n'est pas forcément celui qui en sait le plus. Et chez Ploix et chez Lévy Alvarez, comment étaient présentés les disques ? C'était des 78 tours, donc on ne pouvait pas toucher. On ne pouvait pas toucher. Les disques étaient dans des casiers étiquetés. C'était les magasins étaient petits, je veux dire. Et si vous voulez, il n'y avait pas besoin d'un classement lisible à l'œil du visiteur, pour la bonne raison que le maître de maison et l'une ou deux vendeuses qu'il avait avait ce classement, elle, dans la tête. Et par conséquent, c'est elle qui vous sortait le disque, qui l'apportait dans la cabine, qui vous le mettait à jouer, et vous restiez à l'écouter. Et quand la face était finie, elle finissait au bout de 4 minutes, si vous vouliez entendre la suite, vous entrebâilliez la porte, vous passiez la tête et vous disiez « Mademoiselle », et vous faisiez le geste, voilà, retournez la face. Mais on ne manipulait évidemment pas les choses. Étant donné qu'ils étaient sous des pochettes en papier jaunâtre, avec parfois une espèce de marque, voix de son maître par exemple, et la tête de Menuhin par exemple, ou la tête de Schnabel imprimée en espèce de noirâtre sur ce bistre, il n'y avait pas de manipulation de la pochette, si vous voulez. La manipulation de la pochette, ça a commencé avec le 33 tours, vous voyez, parce que le 33 tours, il y a eu des pochettes qui étaient diversement illustrées. Donc, un élément attractif éventuel, et le dos de la pochette donnait les renseignements, ou en donnait quelques-uns, sur l'œuvre, sur la nature de son interprétation. On avait donc un format idéal pour illustrer et pour informer. Et bien entendu, ça s'est perdu quand le micro-sillon a été remplacé par le CD. Mais c'est devenu des objets de consommation, alors que de mon temps, c'était des objets d'accumulation et d'accumulation dans le sens d'une collection, bien entendu. Voilà, mais l'important, c'est que la musique soit accessible à ceux qui veulent se la procurer et l'avoir chez eux. C'est ça qui est important. 1980, ouverture de la boutique New Rose. Dès le premier jour, on s'y bouscule. New Rose était un magasin très spécialisé. On était à l'époque du punk, de la new wave. C'est une époque où il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de labels indépendants qui se sont créés partout, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc, on apportait énormément de petites productions et ça permettait de découvrir plein de choses. Alors, les vendre derrière un comptoir dans un magasin, c'est passionnant. Mais à un moment donné, on se dit que c'est un peu frustrant. On veut aller plus loin. Et la suite logique, c'est de faire un label. Et le magasin donc sert d'information et aussi d'instruments de promotion, de lieux de rencontre, de laboratoire pour tester. C'est un outil extraordinaire. C'est une démarche que d'ailleurs qu'on fait beaucoup de magasins anglais à l'époque. À Londres, il y avait des magasins comme Rough Trade, Beggars Banquet qui sont devenus des gros labels. Nous, on s'est un petit peu inspiré de ça. Et vous aviez des modèles en France aussi? En France, beaucoup. Il y a eu un modèle, mais qui n'a pas duré très très longtemps malheureusement, c'était l'Open Market, qui était le magasin de Marc Zermati, qui avait créé le label Sky Dog. Et comment vous l'avez aménagé? Elle ressemblait à quoi, cette boutique New Rose? On l'a aménagé, c'était très artisanal, on a tout fait nous-mêmes. Là, on s'était inspiré des Anglais, parce qu'il y a une chose qu'on aimait pas beaucoup, c'est se faire voler des disques. Donc, on avait les pochettes vides dans les bacs et les vinyles au mur dans les étagères. Et ça se faisait pas en France? Très peu, très très peu. Je crois qu'on était pratiquement les seuls. Et alors vous avez réussi à échapper au vol? On s'est fait voler quelques pochettes, mais très peu de disques. Non, ça se passait très bien de ce côté-là. Et quel était le profil de vos clients? Il y avait un peu de tout. Bon, il y avait des punks, il y avait malheureusement des skins. Alors ça, c'était un peu la plaie, parce que c'était pas des gens très sympathiques. C'était genre... C'est l'équivalent des fans du Paris Saint-Germain, un peu, si on veut. Alors le problème, c'est que les skins, ils étaient interdits de séjour au magasin, mais ils attendaient les gens dans la rue. Quand les jeunes sortaient avec leur sac New Rose du magasin, bah, malheureusement, souvent, ils rentraient chez eux les mains vides. Et ça, ça a été un combat permanent, pratiquement. Mais qu'est-ce que vous pouviez faire contre ça? À l'extérieur, la seule chose qu'on pouvait faire quand on voyait que ça tournait mal, c'est appeler la police, ce qui n'est pas très agréable, mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Au bout d'un moment, ça a fini par se calmer, parce que... Heureusement, on a un label qui s'appelait Bondage, qui s'occupait notamment des berruriers noirs, a eu la très très bonne idée d'ouvrir son propre magasin. Et bien, tous les skins se sont transférés là-bas, et nous, on a été tranquilles à partir de ce moment-là. Est-ce que ça se vole beaucoup, les disques de jazz ? Je pense que tous les disques sont toujours volés, quoi. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être plus que les livres encore. À une époque, oui, c'était vraiment... je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais durant donc toutes ces années, près de 20 ans, oui, j'ai vu donc toutes les stratégies les plus sophistiquées se mettre en place pour voler des disques. Le plus simple sous le manteau, mais avec des poussettes aménagées, des choses hallucinantes. Ou ceux qui passaient devant la caisse et les bras chargés aussi de manière très décontractée, sans que personne ne les arrête. Ça a toujours été un sport, oui. Et vous, vous réagissiez comment ? Moi, je réagissais toujours très très mal, parce que j'ai toujours pensé que c'était sacré, alors que le vol ne me gêne pas. Ce qui me gênait beaucoup, je n'étais pas complètement sûr que le gars qui volait le disque, c'était vraiment celui-ci qui avait vraiment envie de voler. Donc c'est sa légitimité qui me posait problème. Parce que tous mes disques avaient un rôle, avaient un sens, attendaient donc la personne qui allait le découvrir et être content de le découvrir et de partir avec. Et j'ai l'impression que le type qu'il volait, c'était pas vraiment celui-là. Je pense que la plupart du temps, c'était le cas. Souvent, c'était pour revendre aussi. Hein. Donc voilà, tout ça n'est pas très glorieux. Ça gagne combien un disquaire, Jacques Gros ? Oh, vraiment autant qu'une caissière de supermarché. Ouais, c'est pas, non, on ne fait pas ça pour l'argent. On peut faire ça que par passion. On ne peut pas le faire pour dire... Je ne connais pas, depuis le temps que je suis dans ce métier, de gens qui ont réellement fait fortune. Si, des patrons, des gars qui avaient fait de l'investissement là-dedans. Et qui se sont vite retirés quand le vinyle se cassait la figure. Eux, ils ont vendu leur part de marché, comme dirait l'autre, et c'est fini. Puis ils ont laissé venir les Fnac, ils ont laissé venir Vision et Gastor et compagnie, ils ont laissé venir les grandes surfaces. Parce qu'en plus, ici, en plus du disque, on fait du livre, et nous, on se bat surtout sur la loi Lang du prix unique du disque. Parce qu'on aurait eu le prix unique du disque pareil que pour le livre, il y aurait des tonnes de disquaires en France. Parce que le relais entre l'éditeur de disque et le client, c'était le disquaire. Et donc, c'était très important. Alors, la première vague de destruction des disquaires, c'est quand il y a eu les premières radios libres, style énergie et compagnie, qui, elles, se sont octroyées le droit de dire « Ah ben, c'est nous le relais maintenant entre les éditeurs et le client, c'est nous. Les disquaires, non, c'est fini. » Et on ne fait que de la grosse distribution, et donc, il fallait rentrer dans la playlist pour pouvoir être vendu. Le rôle des disquaires, là-dessus, déjà, a été massacré à ce niveau-là. Il date de quand ce débat sur le prix unique du disque ? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, après 68. Après 68. Parce que c'est pas que le faire de baisser le taux de TVA, il fallait que le petit disquaire indépendant puisse lutter à armes égales avec le gros distributeur. Et là, c'était plus possible. Sans prix unique, de toute façon. Et ça l'était à un moment donné. On a eu pendant des années, on avait derrière chaque disque un code prix. Par exemple, disons, le code A valait 40 francs. C'était tous le même code. Le code A, il était aussi bien chez Philips à l'époque que chez Polydor, que chez Pathé Marconi. C'était tous le même truc. Et ensuite, eh ben, ils ont joué à diversité. C'est que chaque éditeur avait ses codes prix à lui. Donc là, ça pouvait jouer. Et puis alors là, c'était n'importe quoi. C'était devenu n'importe quoi. Il a fallu avoir 12 murs dans le magasin alors qu'on peut en avoir que 4. C'était pas possible. Et il y a eu un moment où on a quand même été à deux doigts d'obtenir ce prix unique du disque. Ah, ça a failli se faire. À quel moment ? Oh, du temps de Lang, du temps de Jacques Lang. C'était mis sur le même. Mais je pense que les libraires ont été plus accrocheurs, ont su beaucoup mieux défendre leurs intérêts, étaient plus solidaires. Si les disquaires n'existent plus aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'ils n'ont jamais vraiment existé. S'ils avaient existé, je pense que au moment où ce métier, mis à mal par les grandes surfaces qui ont fait de lui un produit d'appel, que ce soit la grande distribution alimentaire, Auchan, Carrefour, etc., ou ce qui est devenu donc la Fnac, il est évident que le métier se serait donc protégé, par exemple, donc avec un prix unique, comme c'est le cas pour le livre. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise donc du livre, vous noterez qu'il y a infiniment plus de libraires qu'il y a de disquaires de quartier, même si le disquaire tend à revenir aujourd'hui, donc forcément, puisque du coup il n'y a plus de concurrence, puisque le disque n'est plus un produit d'appel pour les grandes surfaces, y compris la Fnac. Donc du coup, ça laisse place donc à des petits commerces, pour en citer un qui est un endroit donc remarquable, qui est Souffle Continu, qui est vraiment donc le disquaire, peut-être celui que j'étais ou peut-être celui que j'aurais aimé être à l'époque. Eux aujourd'hui, ils sont là et bien là, mais malheureusement, certains qui faisaient ce travail magistralement ont dû disparaître durant donc toutes ces années où le disque n'a été considéré que comme donc un produit d'appel et vendu quasiment à prix coûtant. Et j'en ai été la première victime, hein, quand j'ai ouvert les mondes du jazz en 81, quand la FNAC a inventé le prix vert, et donc qui était le disque à prix coûtant. Il est évident qu'il était moins cher que moi, je l'achetais pour le vendre, et j'étais à quelques pas. Donc mon magasin est devenu un magasin d'appoint de la FNAC, où mes amis venaient me rendre visite, les bras chargés donc, de disques que je vendais moi aussi à un prix donc, extrêmement faible. Mais toujours ce sentiment donc c'était moins cher et tous ces avantages. Enfin, la communication a toujours été extrêmement bien faite. Et évidemment, donc, voilà, moi j'ai dû à un moment donc, m'arrêter pour travailler à la FNAC. Voilà. Donc j'ai aussi travaillé à la FNAC. Merci à Jacques Gros, André Tuboeuf, Daniel Richard, Xavier Menanteau, Patrick Maté et Philippe Gimplovitch. Merci également à François Ribac. Archivina, Aurélie Marseille. Mixage, Éric Boisset. Au temps des bacs, Anaïs Quien, Anne Fleury. Et merci à Anaïs Quien et Anne Fleury de nous avoir rappelé ce beau mot de discophilie, intérêt porté au disque phonographique tel que le décrit le Larousse. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, eh bien vous nous écrivez à www.franceculture.com, rubrique les émissions à la Fabrique de l'Histoire, et vous pouvez également nous écrire à fabrique@radiofrance.com ou nous rejoindre sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.